deck. My love, my love, my love, my love, my love, my love, my lover. Un regard, un sourire. Smile, baby, the affair. Do you feel I can see? Do you feel I can see? Le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Le plus important, c'est pas la chute. Les singes de mon quartier. Les singes, monkeys. Dear fair monkeys, go to heaven. Dear fair monkeys, to heaven. Les singes de mon quartier. Inventer la bombe atomique, les singes de mon quartier ont inventé les armes chimiques, les singes de mon quartier, les singes contre les poètes. Les musiciens, de mon quartier, les singes, les singes, les singes de mon quartier. Inventer le fer à empaler, les clés, les trous de serrure. L'oiseau est en cage et nous en numéro. Singe, singe. L'amour. Un marché, pucelle, maquereau. We're all sensitive people. So much droit de courte cuisse. Understand me, sugar. Et les mères maquerelles. Love for sale, love for sale, love for sale. Let's get it on. Let's get it on. Love for sale, love for sale, love for sale. Let's get it on. Come on. Look up. Let your love come. Let's get it on, let's get it on. Belle. Let your love come out. If you believe in love, let's get it on, baby. dirty. Please let's get it on. Mountains will. Mountains will. I said, come on, come on, baby. Stop beating around the bush. Situation de risque, sortir de la zone de confort, poser. Comme à secours. Tom Sawyer, de la musique. I'm a feeling, I'm a feeling blue. Invisible committee, my invisible committee. Musician. Sound breakers, sound makers, sound making, and we feel like good. Yeah, we share, yeah, we share. We try, we share, we share. And we go to the river. Des roches millénaires filtrées, l'eau infiltrée, patiemment infiltrée, l'eau H2O. Dans la matière, à travers la matière, la terre, my mother, your mother, my mother, your mother, santé de la terre. Yeah. our children. Our children are in this planet. Can't you hear me, Major Tom? Can't you hear me? Can't you hear me? Can't you hear me, Major Tom? When pas trop confiance quand même, le début, la fin, la spiritualité, le début d'une nouvelle ère, ouais, la révolution, peut-être plutôt le début, juste une rébellion, une rebelle, des rebelles, un rebelle, des rebelles, un rebelle. Une rébellion, rebelle, rebelle. Petit coup de pouce du destin. Violence symbolique. Appuyez. Ride on the storm. You know I am. You know you are a rider. We are riders. We are just riders on the storm. toi, toi, mon toi. coiffeur. My brother. My brother. I got a brother. Brother, I said to you, you're my brother, you're my brother, yeah, my brother. On reviendra pas de demain. Essayez, ratez, essayez encore, ratez mieux. Comme Bonnie and Clyde, Bonnie and d'amour entre entre deux êtres humains exceptionnels. La rencontre de deux êtres humains rares, exceptionnels. We'll be right back. téléphone nous avait prévenu. Thank you. la puissance. Yeah. organise un rétro-chargé, introspectif, pour être au point, mes amis, pour créer un rétro-chargé, introspectif. Me.